un do, c'était un de ces étés. C'était un de ces étés pendant lesquels on s'amusait bien. Des étés comme ça, il y en a pas eu des tas. Mais celui-ci, là, était bien. Je m'en rappelle d'un autre. Il y a aussi des automnes. Mais les automnes, c'est pas pareil. Car si on prend en compte les paramètres des automnes, on se rend vite compte que ça n'a rien à voir avec l'été. Tiens, est-ce que je t'ai raconté hier que j'ai rencontré la même personne que l'année d'avant, le même jour de cet automne-là? Je ne t'ai pas raconté. Ah bon, je pensais t'avoir dit ça. C'est toi qui as dit. Ah ouais, c'est ce qui vous convient.